بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فننهي الكلام في تفسير سورة المطففين من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يقول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. يقول الشيخ هنا في التفسير رحمه الله تعالى لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها وهو ماذا؟ سجين أفيق شوية. ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها يعني في أعلى الأماكن وأفسحها وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. يعني ذكر في أول سورة كما تذكرون إن كتاب الفجار لفي سجين، وقلنا سجين هو أسفل الأمكنة يعني تحت الأرض السابعة، فهناك كتاب الفجار الذي فيه أعمالهم مسجلة، أما كتاب الأبرار ففي عليين وهو أعلى الأماكن يعني عكس سجين. يشهده المقربون يعني هذا الكتاب الذي فيه أعمالهم يشهده المقربون، يقول الشيخ وهم الملائكة وكذلك أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى. وعليون اسم لأعلى الجنة، فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن على الأرائك أي على السرور المزينة بالفرش الحسان ينظرون. ينظرون يعني إلى ماذا؟ إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم أي بهاء النعيم ونظارته ورونقه، فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة، يعني يكون في وجههم حسنا وجمالا ونورا لأنهم ينظرون إلى نعيم الجنة وإلى ربهم سبحانه وتعالى. يسقون من رحيق مختوم، وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها. مختوم ذلك الشراب ختامه مسك. الآن يفسر يقول يحتمل أن المراد مختوم على أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، يعني مختوم بمعنى ختم وحفظ، يعني هناك ختام يمنع ما يدخله فيفسده. ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة وهي المسك الأثفر، فهذا الكدر منه يعني الوسخ الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يعني يصب يكون في الجنة بهذه المثابة. يعني يحتمل تفسير آخر أن يكون ختامه مسك بمعنى آخر هذا الشراب الذي في آخر الشراب في آخر الإناء عادة في هذه الدنيا يكون وسخا وكدرا، أما في الجنة فهو مسك. يعني تتصور حسن هذا الشراب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا الله، فليتنافس المتنافسون، أي يتسابق في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. Donc on va passer à la traduction donc de la fin la sourate al-Mutaffifin. Donc il parle, les versets on essaie de les traduire, il dit le livre des pieux est dans Iliyin. Iliyin, c'est-à-dire c'est un endroit qui s'appelle comme ça dont on verra l'explication après. Et qui te dira ce qu'est Iliyun? Un livre cacheté. Marqoum, on avait dit, ça veut dire il est fini. On ne peut rien rajouter dedans, on ne peut rien enlever. Mais comme on avait dit pour Sijjin, quand il dit Kitabun Marqoum, ce n'est pas le tafsir de Iliyun, comme dans le début de la sourate. Inna Kitab al-Fujjar et la fi Sijjin, wa ma adraka ma Sijjin, Kitabun Marqoum. Kitabun Marqoum, ce n'est pas la réponse de wa ma adraka ma Sijjin. Kitabun Marqoum, yani Kitab al-Fujjar. Et après Sijjin, c'est autre chose. Donc ici pareil, quand il dit et qui te dira ce qu'est Iliyun, et tout de suite après il dit un livre qui est fini. C'est pas la réponse de la question juste avant. Un livre qui est fini, ça renvoie à Kitab al-Abrar, c'est-à-dire au livre des pieux, qui est mentionné deux versets avant. Il faut faire attention à ça. Parce que sinon si tu lis comme ça, tu crois que qu'est-ce que ça veut dire Iliyun? C'est un livre cacheté. Alors que Iliyun c'est pas un livre. C'est le livre qui est dans Iliyun. Donc il dit en tout cas dans l'explication des versets qu'Allah Azza wa Jal il a mentionné que le livre des Fujjar, donc des pervers, des désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le plus serré et le plus bas des endroits. Donc on avait expliqué au début de la sourate qui s'appelle Sijjin, donc qui est sous la septième terre, en dessous de nos pieds. Donc le monde il est fait ainsi. Il y a sept terres qui sont les unes au-dessus des autres et ensuite sept cieux. Et l'endroit le plus bas il est sous la septième terre et c'est là qu'il y a le livre, c'est-à-dire dans lequel il y a les actes des gens désobéissants. Et à l'inverse, donc à la fin de la sourate, Allah il mentionne que le livre qui mentionne les actes des gens pieux, il est dans Iliyun. Et Iliyun c'est l'endroit le plus haut, donc l'inverse de Sijjin. Après il a dit Yashhaduhul Muqarrabun, les rapprochés le voient. Il dit c'est-à-dire les anges qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi les âmes des prophètes, ils voient ce livre dans lequel il y a les actes des gens pieux. Donc de cette façon-là, Allah Azza wa Jal, il vante les pieux devant les anges et devant les prophètes. Parce que justement, ces âmes-là, qui sont proches d'Allah, voient les bonnes actions qu'ils ont faites. Après, il a dit, Inna al-abrara lafi na'im. Les pieux sont dans un bienfait. Et il dit, ça englobe le bienfait du cœur, du corps et de l'esprit. Al al-ara'iki yanzurun. Al-ara'ik, c'est-à-dire comme des banquettes, comme des fauteuils. C'est-à-dire, ils sont sur des divans et ils regardent. Ils sont accoudés, ils regardent. Ils regardent, c'est-à-dire, ils regardent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a préparé comme bienfait dans le paradis. Et aussi, ils regardent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils jouissent de la vision de deux choses. Ce qu'il y a dans le paradis, et aussi, ils regardent Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arifu fi wujuhihim nabratan na'im. Tu reconnaîtras dans leur face la splendeur du bienfait. La splendeur du délice. C'est-à-dire que quand ils regardent au bienfait du paradis ou quand ils regardent Allah subhanahu wa ta'ala, leur face elle en gagne une splendeur, de la lumière et une certaine beauté, parce qu'ils sont réjouis de ce qu'ils voient. Donc celui qui les regarderait, il verrait ça dans leur visage. Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Après il a dit, et on leur donnera à boire rahiq. Rahiq c'est-à-dire comme, c'est une sorte de boisson. Makhtum. Makhtum c'est comme quelque chose de scellé. Comme quand une lettre, tu l'as tartamouha, c'est-à-dire tu l'as, je sais plus, hein, tu l'as, voilà, cacheté, tu mets un seau, voilà. Donc ce nectar qu'ils boivent, cette boisson, elle est scellée. Et il est scellé par le misc. Le misc, c'est connu. C'est une sorte de parfum ou quelque chose dont on retire le parfum, qui vient à la base de la brebis, un morceau qu'il y a dans la brebis. Donc le shir, il dit, ça s'explique de deux façons. C'est-à-dire, il est scellé par le musc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est scellé il est protégé de façon à ce qu'il n'y ait rien d'autre qui peut rentrer dedans et le changer. Et ce par quoi il est protégé lui-même, c'est du musc. Donc le musc est une chose qui a la meilleure des odeurs. Ou alors une autre interprétation, c'est que la fin de la boisson qu'ils boivent, khitem, c'est-à-dire la fin de la boisson, c'est du musc. Parce qu'ici-bas, surtout dans l'époque avant, quand ils préparent des boissons, les impuretés, elles vont rester à la fin. Donc généralement, ces impuretés-là, on les jette. Et les gens du paradis, ce qui remplacerait la pureté ici-bas, c'est du musc. C'est-à-dire, c'est pour montrer leur boisson, dans quel bienfait ils sont. Que ce qui remplaçait la saleté ici-bas au fond de leur verre, chez eux, c'est du musc. Et après, il dit « وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » Et c'est dans ça que ceux qui sont en compétition doivent rentrer en compétition. C'est-à-dire, c'est dans ça que les gens, ils doivent se concurrencer. Ils doivent se dépêcher de faire des actions qui vont justement les faire parvenir à ces choses-là. Parce que c'est la meilleure chose dans laquelle on s'empresse. C'est la meilleure chose dans laquelle les hommes doués de raison, ils se sont empressés, ils ont fait des efforts. C'est d'aller au paradis. ثم قال تعالى يشرب بها المقربون يرحمك الله ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يقول ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين يشرب بها المقربون صرفا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. Après il a dit, et ils boivent, parce qu'il n'a pas mis le verset ici, وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم, c'est-à-dire il sera mélangé avec Tasnim, qui est une source dont les rapprochés boivent. Donc en fait ici il explique que Tasnim, c'est une source qu'il y a dans le paradis, et c'est la boisson la plus pure du paradis. Donc الْمُقَرَّبُونَ, parce qu'on sait que les croyants ils sont à des degrés, le degré le plus haut c'est الْمُقَرَّبُونَ ou alors الْمُحْسِنُونَ, c'est-à-dire les gens qui sont les plus rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Eux, ils boivent de tasnim pur. Alors que pour les gens, les autres croyants qui n'ont pas atteint ce stade-là, elle est mélangée à d'autres bonnes boissons du paradis. ثم قال عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين وهذا من أعظم ما يكون من الاغتراء يعني في نفس الوقت يغترون ويضحكون على المؤمنين وفي نفس الوقت هم مطمئنون يعني لا يخافون عذابا ولا يرجون حسابا هم مطمئنون لا يظنون أنهم يبعثون ويعذبون وهذا من أعظم ما يكون من الاغتراء أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا يعني جمعوا بين الطمتين الإساءة الكبرى وهي أذى المؤمنين والإساءة إلى المؤمنين ومع ذلك الأمن في الدنيا يعني يأمنون عذاب الله ومكر الله عز وجل حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم من أهل السعادة وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضلون افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا عين. Ensuite donc les versets suivants ils parlent des mécréants. Il a dit les criminels se moquaient ou rigolaient de ceux qui avaient la foi. Et lorsqu'ils passaient devant eux, ils se faisaient des signes. Et lorsqu'ils retournaient à leur famille, ils retournaient heureux. Et lorsqu'il les voyait, il disait, voilà des égarés. Donc le shir, il explique que Allah Azzawajal, après qu'il ait cité le châtiment qu'ils vont subir les kuffars et la récompense qu'ils vont avoir les croyants, il mentionne que les kuffars, quand ils étaient dans la vie d'ici-bas, ils rigolaient, ils riaient des croyants, ils se moquaient d'eux. Et ils se faisaient des signes quand ils passaient auprès d'eux, comme des clins d'œil, ou par exemple ils lui mettent un coup de coude, etc. etc. C'est-à-dire ils rigolent entre eux des croyants. Et tout ça part pour les humilier et pour les rabaisser. Et en même temps, ils sont sereins. C'est-à-dire non seulement ils se moquent des croyants, mais en même temps ils sont sereins. Ça ne leur donne pas, ça ne leur fait pas peur le fait de se moquer des croyants. Et ils voient qu'il n'y a rien qui va les toucher, ni châtiment, ni quoi que ce soit. Ils se sentent à l'abri. Donc c'est pour ça qu'il a dit, et lorsqu'ils retournent à leur famille, ils retournent faqihin, c'est-à-dire ils sont contents, ils sont heureux. Donc en vérité, ils ont, c'est la plus grande tromperie qu'un être humain il peut avoir. Ils sont trompés par eux-mêmes. C'est que en même temps, ils nuisent de la plus grande nuisance qui existe, c'est de se moquer des croyants à cause de leur foi, et de les traiter d'égarés. Et en même temps, ils se sentent à l'abri du plan de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et du châtiment d'Allah. Donc ils ont réuni entre deux choses qui fait que c'est les gens les plus trompés. Et ils sont comme si un livre et un pacte d'Allah leur avait été donné, qui disait que eux ils étaient les gens bien guidés et les gens du paradis. Et ils se sont déclarés eux-mêmes comme étant les gens guidés, et ils ont jugé les croyants comme étant les égarés. Tout ça par invention sur Allah subhanahu wa ta'ala, et par audace, c'est-à-dire ils n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان ولهذا يعني ليس له أصل ليس له دليل هذا القول الذي يقولونه ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني يجازون بجنس عملهم ضحكوا فالآن يضحكوا عليهم فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون يعني كانوا يدعون الهدى والفوز وأنهم لو بعثوا يعني سوف يلقون النعيم الآخري هذا يذهب عنهم يوم القيامة ما كانوا يفترون والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك ينظرون وهي السرر مزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا من جنس عملهم فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضحك المؤمنون منهم في الآخرة ورأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون أو ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة والله عليم حكيم. Ensuite, donc dans le même ensemble de versets, il a dit: or ils n'ont pas été envoyés sur eux en tant que gardiens. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal n'a pas fait de ces mécréants des gardiens. Ils ne sont pas censés faire attention à ce que font les croyants et faire et surveiller les croyants. Au point où ils les accusent d'être égarés. C'est-à-dire qu'ils se moquent des croyants, ils parlent sur eux, ils les traitent d'égarés. Or ils n'ont pas été envoyés comme juges, ils n'ont pas été envoyés pour les surveiller. Mais tout ce qu'ils disent, ce n'est que de l'orgueil, et c'est une sorte de distraction et un jeu. Ils ne se basent pas sur des preuves. Ils disent ça comme ça, ils n'ont pas vraiment de raisonnement ni de preuves à ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'au jour du jugement, dans l'au-delà, ils vont être récompensés d'une récompense du même genre que ce qu'ils ont fait. Comme on dit, al-jaza'u min jinsil amal. C'est-à-dire la récompense que tu as en bien ou en mal pour ce que tu fais, elle est du même genre que ce que tu as fait. Donc là, ils ont ri sur les croyants et Allah il mentionne aujourd'hui, c'est-à-dire au jour du jugement, ceux qui ont cru rider des mécréants. C'est-à-dire la situation, elle sera inversée. Donc comme ils ont ri, on rira sur eux. C'est-à-dire les croyants riront sur eux. alors que eux, les croyants, ils seront dans la sérénité. Et eux, les mécréants, ils n'auront pas tout ce qu'ils prétendaient. Ils prétendaient que s'ils étaient ressuscités, ils allaient avoir telle chose, et des récompenses, etc. Et tout ça, ça va partir d'eux, c'est-à-dire ils ne le verront pas. Et après, Allah Azza wa Jal, il a qualifié les croyants en disant « عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ » Ils regardent sur des divans. Donc comme il l'a dit déjà, ce sont des divans qui sont embellis par des parures. Est-ce que les mécréants ont été récompensés pour ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire les croyants regardent pour voir la récompense entre guillemets, c'est-à-dire la rétribution et le châtiment que les koufars y reçoivent. Donc pour regarder justement ce qu'ils reçoivent, alors qu'ici-bas c'est eux qui se moquaient d'eux. Donc il dit le shirk, comme ils ont ri ici-bas des croyants et les ont accusés d'être égarés, eh bien au jour du jugement c'est les croyants qui vont rire d'eux et ils vont les voir dans le châtiment. On peut retirer aussi une faïda quand il dit subhanahu wa ta'ala wa ma ursilu alayhim hafidhin, c'est que les gens ils sont pas hafid les uns des autres, c'est-à-dire les gens ils sont pas envoyés pour surveiller les uns des autres. Et le hadith il dit, le hadith qui est dans les 40 hadiths, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, il fait partie du bon islam d'une personne qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas. C'est-à-dire combien on voit de gens, ça a beaucoup de domaines. Tu vois sa vie conjugale, c'est une catastrophe. Mais il rentre dans la vie conjugale de son frère, hein, qui est mieux que lui. Mais ouais, mais pourquoi tu laisses ta femme faire ça et pourquoi toi tu fais pas ça, etc. Alors que lui, s'il se regardait dans une glace, il verrait une catastrophe. Ou alors dans la religion. Ouais, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Alors que lui, il est seulement en train d'apprendre et il n'est pas accompli. Il n'a pas fini d'apprendre, il ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout, on se comprend. Personne ne connaît tout, mais c'est-à-dire il n'est pas dans l'apprentissage. Il n'a pas progressé, il vient de rentrer dans la religion, ou alors il est encore dans l'apprentissage et il se mêle des autres. C'est-à-dire si c'est min bab al-nasiha, dans le sens du conseil, ça, il n'y a aucun doute que c'est bien. Mais là, on parle des gens qui surveillent sans cesse. Au lieu de s'occuper de sa propre personne et de sa famille, il surveille sans cesse. Qu'est-ce qu'il a dit à tel, qu'est-ce qu'il a fait un tel, qu'est-ce qu'il a fait le voisin, qu'est-ce qu'elle a dit la voisine. Ça, c'est une erreur. Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il fait partie du bel islam d'une personne qu'elle délaisse, qu'il ne la regarde pas. Ce que les autres y font et ce qu'ils disent, ça ne te regarde pas. Sauf si c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est atteinte et tu veux la défendre. Et là, tu dois parler sur une personne qui a dit une erreur dans la religion ou qui a fait une innovation. Et là, tu dois montrer la vérité. Pas pour parler sur la personne, hein, pour déballer ce qu'il y a en toi, comme haine et comme rancune, c'est pas pour ça. Pas pour montrer que t'es un défenseur de la sunna et un défenseur de l'islam, mais pour défendre l'islam et pour défendre la sunna. Là oui, là tu peux parler, tu peux te mêler entre guillemets. C'est-à-dire, t'as entendu, un tel il appelle à ça, il a dit ça, et toi t'as la capacité, et t'es à la place de répondre à cette parole, tu réponds. Tu dis voilà cette parole, etc. C'est une erreur, parce que ça, ça et ça. Et les savants ont dit ça, ça et ça. Mais que tu cherches constamment et que t'en fasses ta religion, ça c'est une erreur. Et souvent vous observez les gens comme ça, eux-mêmes, yani, c'est pas accompli. C'est-à-dire ceux qui cherchent beaucoup l'époux dans la tête des gens, tu vois que leurs cheveux, eux, ils sont remplis de puces. Yani, c'est vrai. Parce que Allah Azza wa Jal, il les a aveuglés, il les aveugle par les autres. Ils les aveuglent de leur propre personne. Ils oublient leur propre personne. Donc pour résumer, c'est que Allah Azza wa Jal, il n'a pas mis les gens comme gardiens les uns des autres. Sauf comme on a dit, si la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est atteinte, et que quelqu'un y vient à dire sur la religion d'Allah ce qui n'est pas permis, ou ce qui est une innovation, là la personne elle se doit, si elle en a la capacité, si elle est digne, c'est-à-dire si elle est à la place de le faire et qu'elle en a la capacité, de démentir et d'expliquer la vérité aux gens. Et ça, ça fait plus partie de l'riba. Comme il l'a expliqué l'imam Nawawi dans Riyad Salihin, ça ne fait plus partie de la médisance, de dévoiler l'erreur d'un innovateur ou d'une personne, même si elle n'est pas innovatrice, mais qui aurait fait une erreur et qui aurait dit une erreur. Mais la base, donc ça c'est au cas où. Mais la base, c'est que la personne, elle se mêle de ce qui la regarde. Ça c'est la base. Et aussi, il faut savoir que la base, c'est que l'honneur du musulman, il est interdit, il est sacré. T'as pas le droit de parler sur lui. Sauf dans les cas où que les ulama, ils ont montré. Donc notamment un innovateur, al-mubtadi', c'est-à-dire celui qui appelle à une bid'a, que ce soit une bid'a dans la pratique ou dans la croyance, là la personne qui est dotée de science et qui a la capacité de le montrer, il peut parler sur cette personne. Mais il parle biqadri al-haja, c'est-à-dire il parle selon le besoin, il ne rajoute pas. C'est pour ça quand vous regardez dans les livres de Al-Jahl wa Ta'dil, c'est-à-dire quand les ulama du hadith, ils parlaient sur les rapporteurs du hadith, pour savoir est-ce qu'ils sont bons, on prend le hadith, ou ils ne sont pas bons, on ne prend pas le hadith, ils disaient pile poil ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire ils disaient ce sur quoi ils étaient questionnés, et ce qui permettait de savoir si on prend le hadith ou pas, et ils n'en rajoutaient pas. C'est-à-dire ils ne s'étalaient pas après dans le physique de la personne, et dans sa vie personnelle, et en plus tu sais pas il a fait ça, et on en rajoute et on rigole, on l'insulte, on lui donne des surnoms. Parce que ça reste un musulman, tout ça c'est haram. Mais on a le droit de parler sur lui dans le cas où, comme on a dit, où ça touche à la religion, là on a le droit. Pour celui qui en a, qui a la place. C'est-à-dire celui, les gens de Ain, qui sont à la place de faire ça et qui en ont la capacité. Alors là ça sort de le riba. C'est comme l'imam al-Bukhari par exemple, quand il disait à propos d'une personne, fihi navar. Pourtant la personne c'était un rapporteur faible. C'est-à-dire quelqu'un dont on ne prend pas le hadith. Il disait pas des entre guillemets des gros mots. Il disait fihi navar. Fihi navar en arabe c'est une expression douce. Tu comprends que c'est pas bon, mais c'est pas une parole grave. Il a pas dit dajjal etc. Khadda'. Il a dit fihi navar. Même si ce genre de parole elle existait chez certains savants, mais vers des gens qui le méritaient. Donc ça c'est pour le din, hein. Ah ça demande un... Non, allez, moi, je vais pas rentrer dans ça tout de suite. Bah, le nasiha, elle doit pas devenir le fardiha, ça c'est sûr. Le nasiha, c'est pas le fardiha, c'est justement, c'est pas un synonyme. Le nasiha, fardiha, c'est deux choses différentes. Le nasiha, tu vas voir le frère et tu lui expliques son erreur, etc. avec le usloub. يعني الله عز وجل قال إلى أبوي موسى هارون فرعون إلى دي وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Dites-lui une parole douce afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Donc ça c'est à Pharaon. Donc qu'en est-il de quelqu'un qui dit لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم et qui prie avec toi à la mosquée. Et parfois pour des choses où toi tu crois qu'il y a tort et en fait il y a un khilaf entre les savants. Il a juste suivi une autre opinion parce que ça concerne le fiqh. Et toi, tu vas le taper comme si c'était le Messie Ad-Dajjal. Ça, c'est une erreur. Beaucoup de jeunes, ils le font. Bah, c'est intraduisible. Hein. Demande à vérifier. Ouais, voilà, de le faire vérifier. Yahtaj ila navar. Yani an nabzur wa nabhath. Mais lui, il le disait pour tadaif. C'est-à-dire, il le disait, pas pour dire en fait, il faut. C'était vraiment pour dire que la personne ne prend pas son hadith. Pour dire que, s'il pouvait employer une expression, entre guillemets, pour parler comme on comprend maintenant, pas trop méchante, ben il le faisait. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Ça, vous le voyez quand vous lisez dans les sciences du hadith. La base, c'est que le riba et l'honneur du musulman il est interdit. On a le droit de sortir de cette base que. Avec une nécessité. Et comme on a dit, la nécessité, c'est par exemple, quelqu'un il vient et publiquement, il fait des doros ou alors il a une émission ou quoi que ce soit, et il appelle à une bid'a et les gens ils rentrent dedans. Et la personne, elle a la capacité. C'est-à-dire, elle a la science, parce que si elle n'a pas la science, elle ne saura pas expliquer, et en plus, qui va l'écouter. Et aussi, elle a au moins un peu de sha'biya, c'est-à-dire un peu de, que les gens ils écoutent sa parole. Si elle n'a aucun poids, ça va faire que retourner la situation en pire. Donc toujours, elle pèse aussi entre le maslaha et le mafsada. C'est-à-dire, je vais parler contre, par exemple, une personne qui a dit telle ou telle chose, mais est-ce qu'il faut que je regarde la conséquence ? Si ça ramène plus de mal que de bien, là, la personne, elle doit s'arrêter. Donc ça, c'est important à comprendre. La base, c'est l'interdiction de le riba. Et on a le droit d'en sortir que dans les cas que les ulama, ils ont éclairci. Et parmi ces cas, il y a tahdhir. Tahdhir min al-bid'a ou min al-khata. Le fait de mettre en garde contre l'innovation ou contre une faute. Et ça encore, ça a des dawabit. C'est-à-dire, ça a des conditions à respecter, des façons de faire. Et c'est pas tout le monde qui le fait. Bon, on passe à la sourate suivante, Inch'Allah. Sourate al-Inshiqaq. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يقول الشيخ هنا في التفسير رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام إذا السماء انشقت أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها وقمرها وخسف بشمسها وقمرها. Donc il dit les premiers versets, lorsque le ciel se déchirera et que elle écoutera son Seigneur, wahuqat, wahuqat, c'est-à-dire et elle doit le faire entre guillemets, comme il va l'expliquer ici. Et quand la terre sera allongée et qu'elle jettera ce qu'il y a dedans et qu'elle se dénudera, tachallat, c'est qu'elle se dénude, c'est-à-dire elle se débarrassera de ce qu'il y a en elle. Wa'adhinat li rabbiha wahuqat. Et qu'elle écoutera l'ordre d'Allah, de son Seigneur, wahuqat. Et ça, et c'est ce qu'elle doit faire. Donc il explique le shirk que Allah Azza wa Jalla dans cette sourate nous montre ce qu'il y aura au jour du jugement comme changement des grands corps, comme les corps célestes, etc. Ils subiront des changements. Donc il a dit idha sama unshaqqat, c'est-à-dire quand le ciel il va se déchirer et il va yatamayazu ba'daha min ba'd, c'est-à-dire il se découpe et il se déchire. Et ses étoiles elles seront dispersées et la lune et le soleil ils seront effacés. Wa adhinat li rabbiha ay istama'at li amrihi wa alqat sam'aha wa asakhat li khitabihi wa haqqun laha dhalik. هذا معنى وحقت يعني وحق لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. Donc il a dit وأذنت لربها, c'est-à-dire quand la terre le ciel elle écoutera, il écoutera l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il attend l'ordre d'Allah au jour du jugement. L'ordre justement de se découper et se déchirer. Et après il a dit وحقت. وحقت, c'est-à-dire il explique وحقن لها ذلك, et c'est ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire c'est un devoir qu'elle aura, c'est d'écouter Allah Azza wa Jal et de suivre son ordre. Parce que le ciel il n'est que soumis. Donc là j'ai dit malak, mais peut-être il veut dire malik. C'est-à-dire elle est soumise à, je ne sais pas s'il veut dire Malak Arvim, c'est-à-dire un ange qu'Allah a mis pour la soumettre, ou s'il veut dire Malik Arvim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, Allah a'alam. Mais en tout cas, le ciel, il n'aura pas d'autre choix que d'écouter l'ordre d'Allah et de donc se découper et se déchirer. Wa idha al-ardu muddat, ay rajafat wa artajat, wa nusifat alayha jibaluha, wa dukkama alayha min bina'in wa ma'lam. فسويت ومدها الله تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. Après il a dit et quand la terre sera allongée, c'est-à-dire elle va trembler et tout ce qui a été dessus comme montagne etc sera effacé, et elle سويت, c'est-à-dire elle va être égalisée et elle va être comme quand on Al-Adim, c'est-à-dire comme quand on jette une peau pour la tanner. La peau tannée, quand on l'étale, la terre, elle va être étalée, comme ça. Elle va être plate. Donc, c'est-à-dire, elle ne sera pas comme on la connaît maintenant. Puisque telle qu'on la connaît maintenant, elle est arrondie. Et aussi, en plus, sa surface, elle est nivelée. Tu vois des montagnes, tu vois des creux, des cratères, etc. Alors qu'au jour du jugement, elle sera complètement aplatie. Et elle sera très grande, assez large pour contenir tous les gens qui sont et toutes les créatures qui seront ressuscitées ce jour-là. Donc tu la verras qa'an safsafa, c'est-à-dire comme une terre déserte. La tara fihi 'iwajan wa la amta. Tu verras pas de nivelé. Tu verras pas d'endroit plus bas que l'un ou plus haut les uns que les autres sur cette terre-là au jour du jugement. Wa alqat ma fiha min al-amwati wal kunuz. Et la terre elle jettera ce qui est en elle, c'est-à-dire elle jettera les morts. Et elle jettera aussi ses trésors. وَتَخَلَّتْ يَعْنِي مِنْهُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْكُنُوزِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَخْرُجُ الْأَمْوَاتُ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وتخرج الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالأسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون. Donc et ensuite il a dit وتخلت, elle se débarrassera, c'est-à-dire des morts et de ses trésors qu'elle contient. Donc quand on soufflera dans la trompe, la terre elle fera sortir les morts et aussi elle fera sortir tout ce qu'elle contient, à tel point que ça sera comme un grand mont que les gens y verront, un grand ramassis entre guillemets ou un grand amas de trésors que les gens y regarderont et seront, c'est-à-dire ils regretteront ces trésors-là de la terre. Et aussi, donc comme il a dit pour le ciel, elle écoutera l'ordre d'Allah et c'est ce qu'elle doit faire. Quand elle se débarrassera de ses trésors, pourquoi les gens regardent ? Allahu a'lam. Je sais pas. Ça, c'est-à-dire c'est le shirk qui explique ça. Parce qu'ils verront. Allahu a'lam. Parce que le shirk, des fois, en fait, comme on avait dit, c'est un tafsir résumé. Donc, ce qu'il dit ici, soit c'est tiré donc du tafsir qui est connu, qui sort des hadiths, ou alors d'autres versets. Mais il ne mentionne pas. C'est-à-dire, par exemple, si tu retournes à Ibn Kathir, lui, il te met le hadith. C'est-à-dire, ce qu'il dit, il te met le hadith. Pourquoi il le dit en correspondance avec le verset. Là, le shirk, non. C'est juste des paroles comme ça, mais comme on avait dit, qu'elles sont basées sur le Coran, les hadiths, ou alors aussi les paroles des salafs, comme les sahaba ou les tabi'in. Donc, Allahu a'lam, est-ce qu'il a tiré ça d'un hadith, ou d'une parole d'un sahabi, ou d'une parole d'un tabi'i ? Allahu a'lam, je ne sais pas. ثم قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر يعني مهما عمل الإنسان من الخير أو من الشر فمنتهاه إلى الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعدل إن كنت شقيا يعني مهما عملت أيها الإنسان سوف تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيجازيك فإن خير فبخير وإن شر فبالعدل يعني إما أن يجازيك بفضله ورحمته إن كنت من السعداء والأتقياء وإما أن يجازيك بالعدل أما الظلم فهل يوجد هناك ظلم في جزاء الله سبحانه وتعالى لا. Donc il a dit ensuite ô toi l'être humain, tu fais innaka kadih, c'est-à-dire tu t'empresses envers Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite tu le rencontreras. C'est-à-dire que l'être humain, quoi qu'il fasse, comme celui qui fait les ordres d'Allah ou celui qui contredit les ordres d'Allah, il ne fait qu'avancer vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait qu'aller vers son délai et vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il sera récompensé. S'il a fait du bien, c'est-à-dire il était parmi les pieux, il sera récompensé par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde. Et s'il était parmi les kuffars, al-mujrimin, là il sera récompensé par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, donc c'est ça, le jour du jugement, il y a soit la grâce d'Allah, soit la justice. Mais la troisième chose que l'être humain lui fait, il n'y a pas, c'est quoi ? C'est l'injustice. Donc Allah, il récompense soit par sa grâce, c'est-à-dire il rajoute, ou alors il pardonne, ou alors il récompense comme la personne a fait. Et ça, c'est le cas notamment des koufars. Ils seront récompensés pile pour ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, il n'y a pas de dhulm. L'injustice, il n'y a pas. ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى له إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها لك اليوم وهذا في الحديث الصحيح يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما يقرر العبد بذنوبه يوم القيامة هذا هو الحساب اليسير المذكور في هذه الآية يعني يقول للعبد أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا والعبد المسلم يقر نعم فعلت ثم الله عز وجل يقول له أنا أغفرها لك اليوم. Donc ensuite il a dit, celui, après avoir mentionné que les gens ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, celui qui recevra son livre dans la main droite, alors il subira un compte léger. C'est-à-dire que les gens parmi eux, au jour du jugement, ils reçoivent leur livre dans lequel il y a leurs actions qui sont enregistrées. Parmi eux, il y a un groupe qui reçoivent leur livre dans la main droite. Donc ça c'est Al-Muwahidun, les monothéistes, c'est-à-dire les musulmans de toute époque. C'est quoi leur jugement ? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ils auront un compte léger. C'est-à-dire le compte qui leur sera adressé sera léger. Et ça c'est expliqué dans un hadith qui est dans la sunna, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué ce verset comme quoi en fait Allah azza wa jalla au jour du jugement il fera reconnaître aux musulmans ses péchés, et ça de façon isolée, c'est-à-dire pas devant les gens, et il lui dira n'as-tu pas fait telle chose, n'as-tu pas fait telle chose, n'as-tu pas fait telle chose, et la personne elle dira oui, elle reconnaîtra oui j'ai fait, oui j'ai fait, oui j'ai fait, et après qu'il ait tout énuméré, Allah azza wa jalla lui dira je les ai cachés quand tu étais dans cette vie, c'est-à-dire ici-bas, donc maintenant je te les pardonne. C'est-à-dire que combien l'être humain il fait de péché, pourtant les gens ils le savent pas. Donc Allah Azza wa Jalla lui dira, je les ai cachés pour toi ici dans la vie, la première vie, c'est-à-dire dunya, et maintenant ces péchés-là je te les pardonne. Donc ça c'est le hisab, le compte que rendra le mu'min, le croyant. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا يعني في الجنة لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب. Et il a dit, et il retournera dans sa famille heureux, et c'est-à-dire au paradis, parce qu'il aura la récompense d'Allah, il sera heureux. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يعني وراء ظهره أي بشماله من خلفه. Ensuite, il a dit, et celui qui recevra son livre derrière son dos. Et derrière son dos, il le recevra, comme il s'est dit dans un autre verset, dans une autre sourate, avec sa main gauche. Donc ça veut dire derrière son dos et avec sa main gauche. Comme il s'est détourné du Coran et de la révélation d'Allah ici-bas, on lui donnera son livre dans son dos et avec sa main gauche. Alors que celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver ? فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا يعني من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها. Donc celui-là il appellera ثبور, c'est-à-dire il voudra, il réclamera pour sa propre personne d'être anéanti. Il dira ya ويلاه يا ثبورا, c'est-à-dire il va demander à être anéanti. Il aimerait ne plus exister parce qu'il voit son humiliation au jour du jugement. Et il voit les mauvaises actions qu'il a avancées pour sa propre personne et dont il ne s'est pas repenti. وَيَصْلَى سَعِيرًا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه في الدنيا كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولم يظن أنه راجع إلى ربه. Donc ensuite il a dit et il sera jeté, c'est-à-dire il descendra dans Sa'ir, c'est-à-dire la fournaise qui est un des noms de l'enfer. Donc il sera entouré et il se retournera dans le châtiment de la fournaise. Et ensuite il a dit innahu kana fi ahlihi masrura, c'est-à-dire la cause ici-bas il était dans sa famille heureux, c'est-à-dire il était insouciant. Et la résurrection et le fait de rendre des comptes, ça passait pas par son esprit. Il y pensait pas. Il pensait pas qu'il devait un jour rendre des comptes et être ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala yahsunu an yatrukahu sudan. La yu'maru wa la yunha wa la yuthabu wa la yu'aqab. Yani hadha laysa min hikmatillah subhanahu wa ta'ala. Bal hikmatullah subhanahu wa ta'ala taqtadi أن الإنسان يكلف بالأوامر والنواهي ثم يحاسب عليها ثم يجازى عليها. وعليكم السلام ورحمة الله. Et ensuite il a dit plutôt son Seigneur était clairvoyant à son sujet. C'est-à-dire que il n'est pas bon, entre guillemets, il n'est pas correct qu'Allah Azzawajal l'aurait laissé comme ça, sans qu'il reçoive des ordres, sans qu'il ait d'interdit, sans qu'il ait une récompense, sans qu'il ait de châtiment. Ça, c'est contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs d'Allah, il y a le hikmah, la sagesse. Et la sagesse d'Allah implique que l'être humain ne soit pas laissé comme ça, à rien faire, comme les animaux. Puisqu'il a une raison, et il a des passions, donc il n'est pas ici sur terre pour rien. Et c'est penser du mal d'Allah, et c'est ne pas connaître Allah, penser qu'il aurait mis un être humain comme ça sur terre pour rien. Et ensuite il ne sera pas ressuscité, il va faire du mal, et il ne va pas être châtié pour ça, ou alors il va faire du bien, et il n'en sera pas récompensé. ثم قال عز وجل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يقول هنا في التفسير أقسم الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بآيات الليل فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل. يعني الشفق يعني بماذا نعرف وقت العشاء؟ بذهب الشفق، الشفق الأحمر، يعني هو بقية نور الشمس في الليل، في أول الليل. والليل وما وسق، أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها. وسق يعني جمع، يعني قد يقال كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن الناس في الليل يجتمعون، أو بعض الحيوان تخرج جماعات في الليل. يعني والليل وما وسق، يعني وما يحتوي عليه. نعم. والقمر إذا اتسق أي امتلأ نورا بإبداره وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع والمقسم عليه قوله لتركبن طبقا عن طبق. Donc ensuite Allah Azza wa Jal, il a juré, il a dit, donc je jure par Al-Shafaq. Al-Shafaq, c'est le reste de lumière du soleil qu'il y a au début de la nuit. Donc Al-Shafaq, justement, comment on connaît l'heure de l'Isha? C'est parce que le Shafaq disparaît. Quand il n'y a plus de Shafaq, c'est l'heure de l'Isha. C'est la nuit complète. Donc Al-Shafaq, c'est ça. Donc Allah, ici, Azza wa Jal, il a juré par des signes de la nuit. Donc d'abord, il a juré par ce reste de lumière au début de la nuit. Après, il a dit, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ. Et par la nuit et ce qu'elle englobe ou ce qu'elle contient. C'est-à-dire comme animaux et autres. Ou aussi on peut dire parce que la nuit les gens se regroupent entre eux. Ou alors parce que la nuit des animaux y sortent en groupe. Ça peut avoir beaucoup d'explications. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقْ. Et par la lune quand elle s'éclaire. Tassaq, c'est-à-dire quand elle est en pleine lune et qu'elle est au summum de sa lumière. Et le shikh dit c'est à ce moment-là qu'elle a le plus d'avantages pour les gens. Et le sujet de ce serment, c'est la tarkabunna tabaqan an tabaq. C'est-à-dire, vous allez passer d'étape en étape. Donc, ici, Allah, il a juré. Sur quoi il a juré? Sur cette phrase-là. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ay, ayyuhan nas, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ay, atwaran muta'addidatan wa ahwalan mutabayina. Min al-nutfati ila al-alaqa, ila al-mudgha, ila nafkhi al-ruh. ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي ثم يموت بعد ذلك ثم يبعث ويجازى بأعماله فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. Donc il a dit ensuite, donc sur quoi il a juré, il a dit la tarkabunna tabaqan an tabaq, c'est-à-dire vous passez d'état à état ou d'étape à étape. Cette phrase elle est vaste, c'est-à-dire là il l'a expliqué par une chose qui est l'évolution de l'être humain, mais sinon comme par exemple Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, lui il explique par des choses plus vastes. Il dit c'est que tout simplement l'être humain dans beaucoup de domaines, il passe d'une situation à une autre. Il passe d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est ailleurs, parce qu'il voyage. Il passe d'un état psychologique à un autre. Aujourd'hui, il s'est levé, il était content, sans raison. Demain, il se lève, il il est dégoûté, sans raison. Et ça, tout le monde, il le sait, tout le monde, il le vit. Allah Azza wa Jal, il éprouve les gens avec ça. C'est-à-dire les changements d'état, les changements d'endroit, etc., etc. Ici, le shir, il a dit, c'est par exemple, le fait que l'être humain, au début, c'est une goutte de liquide. Et après, c'est quelque chose qui est accroché dans la matrice de la femme. Et après, c'est quelque chose qui ressemble à un morceau de chair, qui n'est pas plus gros que quelque chose qu'on peut mâcher, un moudra. Après, l'âme, elle lui est insufflée. Ensuite, c'est un petit enfant. Ensuite, il commence à distinguer, Moumayiz, quand il a à peu près 7 ans. Il commence à comprendre ce qui est beau et ce qui est mal. Ensuite, il est Moukallaf, c'est-à-dire, il reçoit les ordres, ils lui sont dirigés, et les interdits aussi, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il meurt, et ensuite, il est ressuscité, et il est récompensé pour ses actions. Donc ça, c'est différentes étapes que la personne, elle subit, qui montrent que les gens, les êtres humains, ils sont dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah, c'est lui qui doit être adoré. Et qu'eux, ils ne sont que sous la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soumis aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la personne, si on regarde, elle, c'est pas elle qui décide que demain je vais devenir grand et demain je deviens vieux, etc. Elle est que soumise. Son corps, c'est elle qui change toute seule et elle en décide de rien du tout. Donc ça, ça prouve qu'elle est soumise à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle doit l'adorer. Mais malgré ça, la plupart des gens, ils ne croient pas. C'est pour ça, après, il a parlé de ceux qui ne croient pas. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه بل الذين كفروا يكذبون أي يعاندون الحق بعدما تبين فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه يعني لا تعجب أن الذي يكذب بالقرآن لا يقتاد به ولا يستسلم والله أعلم بما يعون أي بما يعملونه وينوونه سرا فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال فبشرهم بعذاب أليم. Donc ensuite il a dit subhanahu wa ta'ala, et quand on leur récite le Coran, ils ne se prosternent pas. Donc après qu'il a mentionné un de ces grands signes qui est le changement de l'être humain en étapes, c'est comme s'il disait pourtant la plupart des gens, ils veulent pas croire. Donc il a dit, et lorsqu'on leur récite le Coran, ils ne se prosternent pas. Ce qui est voulu par prosterner ici, c'est-à-dire ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles quand ils écoutent le Coran, et ils ne suivent pas les ordres du Coran, et ils n'évitent pas ce qui est interdit dans le Coran. Mais plutôt, ceux qui mécroient démentent. C'est-à-dire, ils s'enorgueillissent et ils ne croient pas au Coran. Et celui qui ne croit pas, donc il faut pas t'étonner qu'ils ne suivent pas le Coran. Parce que celui qui ne croit pas par orgueil, il n'y a aucun moyen pour lui de revenir. Wallahu a'lamu bima yu'un. Et Allah sait mieux ce qu'ils font, c'est-à-dire ce qu'ils font de façon apparente, et ce qu'ils ont comme intention dans leur cœur. Allah sait tout ça et les récompensera pour tout ça. Thumma qal fabashirhum bi'adhabin alim. Wa summiyat al-basharatu basharatan li'annaha tu'athiru fil basharati sururan aw ghumman. فهذه حال أكثر الناس التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. Donc ensuite il a dit annonce-leur, bashir. Annoncer ici c'est dans le sens comme si tu annonces quelque chose de bien. Donc annonce-leur un châtiment douloureux. Bashirhum. Et il a dit pourquoi le bashara, quand on t'annonce quelque chose, ça s'appelle bashara, c'est parce que ça touche al-bashara. Al-bashara c'est la peau. Quand on t'annonce quelque chose de très bien ou alors de très mal, tu le sors sur ta peau avec ta sensibilité, tu peux jusqu'à frissonner. Donc c'est pour ça que on appelle ça le bashara. Donc il dit ça, c'est la situation de la plupart des gens, c'est qu'ils ne croient pas au Coran et ils le démentent. Wa minan nasi fariqun hadahumullah fa amanu billah wa qabilu ma ja'atuhum bihi ar-rusul fa amanu wa amilu as-salihat. فهؤلاء لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ensuite il a dit, donc à la fin du verset, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Donc il a dit, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ils auront une récompense qui ne s'épuise pas. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, la plupart des gens, ils ne croient pas. Mais il reste toujours une partie des gens qu'Allah Azzawajal, il a guidé. Et ceux-là, ils ont une récompense, غير ممنون. C'est-à-dire qu'ils ne s'épuisent pas, elles ne s'interrompent jamais. Donc, c'est-à-dire une jouissance qui dure tout le temps. Des choses que les yeux n'ont jamais vues, et des choses que les oreilles elles n'ont jamais entendues, et qu'un être humain ne s'est jamais imaginé dans son cœur. يقول تم تفسير السورة ولله الحمد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه